franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Aujourd'hui, nous partons faire un petit tour du côté de nos gens. Ah, le petit vin blanc, Philippe. À boire avec modération, Marga. Avec qui? Non, je rigole. Alors Adeline, que faites-vous du côté de nos gens? Nogent, ville sublime, très touristique, qui doit son succès, eh bien, pas seulement à son petit vin blanc qu'on boit sous la tonnelle, mais aussi au jardin tropical de Paris, qui a été édifié en 1899 et transformé en 1907 pour accueillir l'exposition coloniale dont mon grand-papa, Philippe, était l'un des responsables au pavillon Nouvelle-Guinée. Mmh. On a longtemps parlé de cet événement. Bonjour Adeline. Bonjour Philippe, bonjour Margaret. Docteur. Alors, comment s'appellent Nogent à Nogent? Ben, tout simplement, les Nogentais. Ah. Ah, ça sonne pas très... C'est pas... Alors, en quoi peut-on vous aider? Moi, je voulais vous parler du problème qu'on a à Nogent, en l'occurrence celui des gens qui sont dans la rue et qui font la manche. Mmh, les mendiants, oui. Et il y en a de plus en plus, mmh. Et ça m'embête. Je sais bien que c'est triste... Mmh. C'est atroce, mais j'ai l'impression qu'on me demande tout le temps d'aider. Mmh. Je paie mes impôts, je travaille. J'ai pas envie qu'on me fasse culpabiliser en permanence. Alors du coup, je donne de temps en temps, mais ça me met en colère. Ben oui. Et alors en plus, dans la ville, c'est pas bon. Oui, oui, mais pardon Adeline, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Vous savez, quand on mendie, c'est qu'il ne nous reste plus guère de solution et ni d'amour propre. Hein. D'accord, mais ça donne une image miséreuse de la ville. Il y en a qui fouillent dans les poubelles, qui en mettent partout, puisque l'arrêté qui interdisait de le faire, c'est arrêté. Mais oui, non, ça c'est sûr que ça sert à rien de trier nos déchets si c'est pour tout remélanger dans la rue. Non, mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Nettoyer votre ville? Faire en sorte que la pauvreté ne se voit plus? Eh oui, oui, la vie est un équilibre fragile. Mm-hmm. Les prédateurs, les proies, les victimes, les bourreaux, le bien, le mal, le noir, le blanc, et puis, sans pauvres, nous n'aurions pas l'occasion de faire preuve de générosité non plus. Oui, tout à fait. Non, mais je leur en veux pas d'être pauvres, mm-hmm. mais on est dans une ville assez touristique, et du coup, les gens, ça les met mal à l'aise. Mm-hmm. Il y a des pauvres très agressifs, c'est pas que des victimes. Bien sûr, il y a pauvres et pauvres. Ah oui, il y en a qui sont plus pauvres que d'autres. Ah non, c'est pas ça que je dis. C'est qu'il y a différentes manières d'être pauvre, différentes façons de revendiquer. Et à celui qui propose qui un morceau de cigane, qui un poème, qui un petit dessin à la craie, je dis oui. Mais à celui qui attend que ça lui tombe tout cuit dans la bouche, sans rien faire, j'ai envie de dire, ben non monsieur, c'est trop facile. Non, vous ne trouvez pas? Oui, et puis ne serait-ce que d'un point de vue de salubrité publique, les poux, la tuberculose, la gale, et autres réjouissances. Alors surtout si vous donnez l'aumône, pas de contact direct. Vous jetez la pièce dans la sibylle du plus loin possible. Et je déconseille aussi le contact oculaire, parce que ça va l'inciter à demander plus, ce qui est très très très dur pour son amour-propre. Voilà, et si... Alors, si vous ne souhaitez pas donner, quand la personne quémande, faites surtout comme si la personne n'existait pas. Vous passez votre chemin, vous pouvez faire semblant de consulter un message sur votre mobile ou de regarder dans votre sac ou votre montre, enfin voilà. Trouvez quelque chose qui vous donne une contenance. Ouais, alors, oui, par contre, si vous donnez de l'argent, prévenez bien que cet argent a un but, et certainement pas celui d'acheter de l'alcool. Mmh. Donc vous en profitez pour lui faire la leçon. D'accord, Adeline ? Alors, juste, il peut y avoir des moments bouleversants. Ça existe. Hein. Tu te souviens, je pense à la petite grand-mère chez le traiteur. Ah qui, oui, tu te souviens oui. qu'elle avait acheté 300 grammes de pâte à negra. On l'a vu sortir de la boutique et d'un coup s'agenouiller devant un jeune installé sur le trottoir. Et ce qui a été vraiment magnifique, c'est que cette petite grand-mère a donné l'intégralité de son pâte à negra aux deux petits chiots qui dormaient dans le panier d'osier tout crasseux. Voilà. Et c'était un moment très émouvant, très beau. Et au-delà de la générosité de l'acte, je crois qu'il y a eu aussi l'échange magique et d'une rencontre intergénérationnelle, parce que Les chiots avaient quoi, 3-4 mois maximum. Mmh. Ouais. Ouais, et puis alors, il y a eu dans le regard de ce jeune homme une lueur d'incompréhension presque, hein, face à autant de générosité. Il a même pas pu articuler le moindre merci, seulement pour une belle histoire comme celle-ci. Mmh. Combien de traquenards à la fin tragique. Non, moi j'ai pas vraiment peur d'eux, hein. C'est juste que ça crée un climat qui est désagréable. Mmh. On sort tranquillement entre amis, on s'amuse, on rigole, mmh. On se vide la tête, et puis paf, on tombe sur un qui a l'air complètement à la ramasse, allongé par terre, et puis même quand il fait froid, bah, ça casse l'ambiance. Mmh. Moi ça me fout le cafard. Oui, bien sûr, mais vous savez pourquoi là, c'est la psychothérapeute, hein, qui vous parle. Vous vous dites à ce moment-là, mon Dieu, et si c'était moi? Vous êtes trop en empathie, vous êtes trop généreuse, Adeline. Ah oui, ça, mais ça c'est vrai, je suis trop généreuse. Mmh. Eh oui, trop bon. Trop con. Bah, oui, pourquoi non. Ils vont pas dans leur centre? Pourquoi ils vont pas dans leur centre? Comme ça, ils sont au chaud. Et puis nous, bah... Bah oui, mais ça, mystère et boule de gomme, comme disent nos ados. Oui, parce que si on réfléchit deux secondes, eh ben, parce que plus il y a de mendiants, moins il y a de touristes. Mmh. Moins il y a de touristes, plus il y a de chômage. Et plus il y a de chômage, bah, plus il y a de mendiants. Ah. Et oui, Adeline, le bon sens, une fois de plus, qui ne vient pas toujours de nos élites. Ah ouais, c'est comme pour les sans-papiers, parce qu'il suffirait juste... Merci que... Adeline d'avoir partagé avec nous, non pas le petit vin blanc ni la tonnelle, mais le fléau de ces gens sans domicile fixe. Oui, Marga, je frissonne à l'idée qu'on aurait pu, eh bien, toi et moi, naître du mauvais côté de la barrière, voilà, dans un pays lointain, pauvre, très pauvre. T'imagines comme notre vie aurait été différente? Ben oui. Ah là là, voilà. Eh oui. Mais il n'y a pas que le sens unique, hein, dans le geste du don, c'est toujours un échange, comme nous le rappelle d'ailleurs Annie Cordy dans son tube chaud cacao. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Merci Philippe. Cette émission a été mise en onde par Yann Chouquet. Au revoir Margaret. À lundi. À lundi. À votre écoute, coûte que coûte, à retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.